بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقتهم فائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الثوري القدوي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه وعنا به في الفصل الثالث والثلاثين من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم ومن فاته في هذين الوقتين لعذر فالنهار كله وقت والليل كذلك دينغ wala moy fof kon fiñ ciñ tollon moy ci walu wirdu yi batay wala muna wa man faato kep ko xamne faat nako fi hazainil waqtayni ci ñaari waqtu yoy manam moy waqtu suba bi te mom moy ginnaw nit ki bimu julle suba mom ba yor yor gi di jeex da jeex sam yor yor bu de taksan gi ginnaw manam gudru ngon gi ginnaw taksan la ba muxtaru ge bi jeex du fekkante nak wa ñaari waxtu yoy nonu daf ni dub la ru ci li azrene ngir ak ngant denga fan ngant nak li tax ñu ngant moy lu dama nek faté wala nelaw wala nit ki peut-être que dafa yorul manam japp et cetera muñu am fu mu timé yoy ci jamono bo période bobu wala xam wa mu xam wala yu dem nonu dal wala wala bok nek manam mu nek ci moment bo xamantene munu ko def parce que amul situation bi permettre ko mu mun ko def wala yu mel non la dal mais ça ne veut pas dire que comme par exemple dama tok dama am waxtan bu may nek dama waxtan ak sama gars yi après ci kanam yi dina ko def du lol wala dama nek dama xawa japp dama am ben liguey may dafa joy non du lol parce que lolou boudé lolou amna boudé waxtane ak yoy mom lolou waxalou ñu mais yenen préoccupation yi nga xamantene mom mënu ko ñak lolou au moins ngat ki taxaw def ko wala yémel non dëng kon nak yoy bu boba fanaru manam boudé dafa am ngant fanaru becc gi kullu lepp waxtu lay doon wala lu guddi kazaani ka nek non amna tam benen problème bo xamantene lolou day am moy lay do ngay gis nit ñoo xamantene daiman seen werdu yi buñu dawal lañ koy def wala buñu nekké di dox ak yoy prétextant que ni amuñu jot alors que am nañu jot c'est-à-dire que jot am nañu jot mais ñom ñoo préféré jot werdu ñu bañ ko am ñom ñoo préféré parce que sinon amna yenn mbir yi ci seen mbir yi yo xamantene yoy buñ ko téggon touti rek mëna werdu lool mën na né am nañu jot ñom ñoo japp né amuñu jot di nek ci téléphone bi aka nek ci yeneen ak yeneen japp ne awma ja ke ni lambu da rek il faut ko may dox di dem fele moy dawal ak yoy ci lay wer dal nangam nangam lolu fonto wer bi la ak tiaxane ko lo me c'est vrai yalla nti yalla musul yalla nti yalla sam si il faut c'est à dire que et puis en plus le pire moy parfois da ngay gis ñoo xamantene ay manam ay roy kay lañ ñoom ñuy def yoy ba bari di ko layele lool du ñu mel non ba bari di ko gëm lo nit ñi neneen mésé ko parce que affaire bi ni rek la mën dem alors que am nañu jot ndax ñi ngi doon deki wax ni la bu ndek mais temps bi nga trouver pour mëna deki bu la ñoré won wirde bi bu la ñoré won non nga trouver ko temps pour wirde non mais c'est vrai voilà et puis temps bi nga en tout cas temps bi nga trouver pour di woté téléphone ak ñun ak nga di wuyu téléphone temps bobu soko joxone su doon yitt wirdo yittel non lool donc ko jox donc wutul wax donc lool ak yenen lool mom lay way waxu chaaxal la xam nga leg leg ñaw non c'est que dekk bi kenn amul jot amul ki mais lolu waxu ci xal fo deg awuma jot moy awuma jot na ngam mais awuma jot mom amul moy sey amna fenen foko def wala ci lenen loko def mais awuma jot mom foko degge moy awuma jotu nangam même li gars sa dañ wax way day dama la gëdi degg nangam way non c'est xam nga dëkk bi kenn amu jot mais awuma jotu wala yow jaralu manam yego ci sama yitté fu tollu malay wo lool lay kéki mais tékiwul né amul jot du tout parce que am na jot da da da day tok di aniou sax amul lu def mais nek nek mais ça lolou nit ñi luñu ñak jot dina am moment yo xamné dañuy tok né dañuy reposer wu et cetera ak yoy c'est que jotu affaire bi lañ amul voilà joxuñu ko priorité exactement donc nak xam nga lolou bobu xétu théorique buñu bu ko kenn gëmlo fi kenn wala kenn nanguñu gëm lolou no mëna nelaw xamna ni lolou mom waxu chaahan la yalla ñu yalla sam lu yéwé nga wax li mom lu yéwé mais deug na wala ah ok alors ma am jot tok di sétane télé sétane journal sétane film mo am jot bobu ne awu won jot wër té lolu bo xolé ci chapitre bi ñu rob bi assez moy be Cheikh Mohamed condition yi wala charte yi bo xolé amna ko xamné dafa né bu nekké affaire bi donc koy négliger moy négligence bi dafa bokk ci charte day day bu yagge da ngay docteur ba non dañu négligence yi non mom limu wax deug Cheikh Omar Abdallah dafa né charte yi bokk na ci moy bañ ko négliger te Cheikh radhiyallahu anhu men ku koy négliger waaw ku koy di négliger ay bugal dana dal sa kaw wala nga bayiko ku koy négliger wala ku koy bayi gu dogu wala nga diko négliger ay bugal dana wacc ci sa kaw aduna ak alakhirah amen manam lolu manam négligence bobu li tax mu graw nak moy le fait que boko yagge di def mën na la dox ci tarikha lolu voilà moy ko way fal ko moy comme nga yexi werd bi d'ailleurs exemple bobu la joxe moy lu demé nek nga yexi werd bi do ko def ci heure mi manam heure muxtar bi lay wax voilà amen mais fofu laj bu ndaw rek lu ma xarwal non non waxal par exemple ko xamantene dafa am ay page horaire di liguey wa te mom bëggul waxtu bi rom muktar bi par exemple est ce que moy nañ ko muy tok mais pas tok ci souf pour heure wa day valable comme ça day valable wa d'accord voilà comme julli bi rek par exemple mën no tor lay dalam voilà djublu pen ku werd dul lan werd voilà werd do ci chaise dalam wa voilà werd wa d'accord voilà man nañ mais wa mais wir do tok ci souf sax du ci chat tok rek moy chat tok ci souf ci mimi sax rek dag du ci chat motax même hein comme bu nekké par exemple mono tok ci souf comme par exemple ñu tok comme ñi def placer des hauteurs yi bu nekké da nga tok ci chaise par exemple même ce ligue kay nga wara wasifa kon manam des hauteurs yi da koy remplacer dedet dedet do ko remplacer da ngay def des hauteurs yi da ngay def parce que neko ci kaw daba d'accord parce que ci kaw ku nek ci kaw daba mom moy def lolou duy daw da waaw wala train wala avion voilà d'accord ni bre ci kaw chaise nga ni man nga def jowar waaw dang koy def man day tu ci li ngay wax ni jam wax deug xawmako waaw dang koy def mën nga ko def jowar wi jowar lolou du ci sax no place bi set wa no place bi set rek dina lap même tay su fekante na tay par exemple même ni le da nga nek ci auto wala ci ki wak yoy yep mën nga do yakana masala yo xamne dinañ ko gis la ci kanam inshallah ci walu ki tukki inshallah lolou après buñ ci yexé dinañ wax ci masala yoy inshallah mais dal lolou la moy l'essentiel moy na place bi la bok yoy non ci kanam touti dinañ gis koy jang parce que voilà inshallah dinañ ci deng legui kon ki nga xamantene kon dafa am gatt moy kon daruri bi waxto manam kon mune gud beuteug yep waxto la kon mom moy exemple masala biñu gissone ci jotay bi wess juste biñu jexale moy kon lool mom mo indi masala bob moy ki nga xamantene dafa tambale werdu ngor bi fek werdagul werdu demb bi werdu suba bi te fek timis gi jotagul bu woba werdu bobu du valable manam day day mabbu su fekkene nga fatale ko nako avant timis mu werdu mu tambale timis et niki nonu pour ki nga xamantene mom moy don jital werdam guddigi yek ne ndekete fatna dinañ ñew ci masala werdu jital werdu bi ci ci bu ci yexse ci kan inshallah legi mu fatene werdul won werdu ngon bi kon da fay dag werdu bi du ne du considérer ne werdu bi lay jël indi ko fi de ah way nono fatna ne werdu mo won werdu ngon mais legi na soppi bi def du lol de dede ndax innamal a'malu bin niyyat ndax hadith yi niyya bob wala inna wala manam yene bi la mi ngi melni tay ki julli tisba fatani julleegul won tax ki julli tax sam fatani julleegul tisba ko du meun yene ni ah wa legui sopina bi def ko tisba bi dedet day dagali dem julli tisba bu par dogu julli tax sam wala boba lon lay def bu tambale gie tamit fatani julleegul timis non la koy def dogo dog ko yeggale comme comme ni ni ni sharia bi def ci masalo bi dab exactement deng legui mu res su fekente ne dama wara julli dama wara wirde fi tamit mu am benen masala manam bu fi genné moy bu waré werr suba gi manam suma manam suma werdu suba suba ko deful ba nga xamantene dina ko tambali mais bala mako paré fekk na jant bi sopp manam timis de dug bo wa est ce julli nako manam est ce werdu nako ci euroum wala werdu mako ci euro ah ak werdu ngor gi naka nonu man may werdu ngor bi bala fajar ja xar mais tambali nako fajar gi do ko xar est ce werdu nako ci euroum wala werdu mako ci euro boba en réalité werdu ngoko ci euro ndax liñuy baye xel moy tambal ak jaamu yalla bi mais duñ baye xel jeexital bi comprendre deng al ibratu bi awwal al ibada la bi akhiriha manam lolu qaida la tamit qaida fiqhiya la niki nonu ci tariqa bi tam nako non lolu daf ni daf lay indi ci benen masala ci buntu bi batay mais lolu dinañ ci ñew ci walu jital inshallah moy suma de jital ba fajar bu jox numay def lolu dañ ci ñew musul ko tuddu fi sax voilà lolu dinañ ci ñew après inshallah fi amna fi dem question wa bo xamni ni dafa am rapport ak ñu la doon wa lay wax moy par exemple bu nekké par exemple wirde bi tok bi du ci manam du ci chat non charte la kay d'accord charte la stop non tok ci souf modou charte mais tok bi ci jëmi ko bu charte la mais tamit charte kamal la du charte ci hak mais sauf que ñak ko respecté da fay bok ci doye dal wërdu bi waaw yegg la légui bu nekké par exemple djublu xëdël mais loolu lañ waxo xana biñi tollon nañ ci loolu gisul nañ ko ci walu charte djublu xul la tamit charte mais sauf que charte kamal la lolou tamit gis nañ ko c'est à dire que buñu jallé tamit benn ki da fay il faut que tamit ñuy ki lolou c'est à dire que buñu xëssé ba jall benn affaire am la yo xamantene buñu ci xëssé ba jall waruñ ci di déllu soir da rek dañ ko war di tak sino am jang lolou la manam bu fekkante ne sa yo défé benn classe après da ngay faté la nga jangoo lolou da naka jëru jang parce que sino sey tout temps li nga jangul sey mom nga ñoo bo ñewé c'est fait faté ko ngir jangat ci ñu war la ko jangalat sey do jang li nga wara jang CP bo paré dem CP c'est dem C1 ñu war la jangalat da nga jangul sey et cetera do am bac avalat do am bac avalat c'est dans lui aussi di tak di japp di dafa bok ci voilà di tak di japp di delu ci wat di ci wat di xamat ki di même bu fekkante yow gis nga ni xam nga yalla tamit ñepp yamale wu len am na ñoo xam tan non lañ mel am dañuy faté dañuy ci mais ñoon tam dañu war di jël ay ñoon tam dañu war di jël ay précaution voilà di gis ne man mom comme ni la mel xamna ni yalla ni la mbinde man de dama jël ay précaution di jël ay ci di bind di tak di ki di binda deglu wat di et cetera parce que nan la mo poser question bi rek li nga waxone ñew wa non mais même bu lool c'est juste que non c'est juste que lool ben fatini la bo xamantene du yow la koy wax mais manam de manière générale manam ke ni lool la tamit nit ki ki jang tamit non la voilà donc lool la dal hein comme tu alfiat sanad non la ko zabid wax na wa alam bi anna al-ilma bil mudhakara nako wax wal hifz amna num ko xal moy en tout cas dal akila non mo wal waxam wal murada amna dal xet wax yoy do manam il faut muy del manam di fatal ki muzakara gi moy di fatalante ak di mokal ak di reprendre diko di delu ci wat ci lolou lolou xam xam mom la bu da lolou am ci muno ni def rek tamit taw sa nek da ngay na affaire yi ben yon la ko deglu wal dama ko fekke non rek la koy fekke we mu jeex après dotuma ci delu ci wat dotuma ki ba pare rawt na ni duma bind duma tak duma def dara ba pare beug affaire di dess lolou mom day compliquer il faut que tamit manam xam ko ti lolou la tamit manam boko dul def do ci bu yalla defé na nga nek ko xam dina lo dig ben yon jeexna doto ko fatte koku obligé muy delu muy mel non muy def ki yoy mais ki nga xamantene mom bu degge mën na degge fatte wala limi degge kum dey beuri donc day obligé après mu delu ci wat mom ci bopom mu jëlat ko bindat ko takkat ko tey et cetera de yoy yep ay xéti buntu ay façon lañ motax même bo xolé amna yenn ci borom xoxo rahmatullah ko mel al imam ibn al-jawzi rahmatullah et cetera nga xamantene ñom ibn rajab rahmatullah nga xamantene ñom buñu xëssé ba jang benn matière wala benn domaine wala benn téré dañuy jëlat benen téré ci côté manam bo xamantene ci loolu c'est à dire que buñu xëssé ba jang benn matière wala benn buntu wala yoy non ñom seen bop dañuy tek né affaire bi bindu ñom benn téré manam bindat recopier wat ko après buñu bu domaine bobu jexé mu nekk téré bo xamantene dañ koy téré ñom seen bop mu nekk téré buñu bind ñom xam nga lool benen façon la manam wala bok lo xamantene ñom buñu xëssé ba jang ma buñu comme ni limax bi ni buñ ko togué ki de lire ko bam jeex bi wala ñu jang ko yow buñu paré ñom dañuy bind benen téré à côté bo xamantene lay reproduire li and ak leg liñ ci japp liñ ki ak li sëriñ bi doon expliquer li ki et cetera ci yenn affaire ak yoy ñu bindat ko wala yoy mu nekk téré manam c'est à dire que lool tam benen façon la xam nga dafa am façon yu bari bari ci jang ak pour mëna japp pour mëna baña faté ak yoy non mettre en valeur li nga xamné mom nga xam lool tamit daf ci am manam nit ki jang tamit mom mo war di mom dafa war di jël ay précaution yu mel non mais mënul def tamit sa su nekk manam lo xamantene il y a 1 an 2 ans 3 ans lañ ko gissone mom tout temps il faut mu faté de telle sorte que par exemple tay leg buñu tuddu ben serigne ngene ki musumako deg alors que deg nga ko fukki yon parce que tout simplement dang ko faté té waro ko won faté parce que non mais c'est vrai non mais voilà waro ko won faté parce que ñom ñoy ñi nga xamné xam nga gis nga dafa am ki bo ci manam domaine ñi bo ci xamulu xese ba intéressé dafa am ño xamantene waro lay ra ñak xam surtout que wala bok bo len ñaké xam tamit bo le déggé ben yoon am na ño xamné waro leena fat lay mi ki même bu moko faté sax na délu ci wat manam na délu ci wat pour xamat kan la parce que dafa am ño xamantene mom mënu ño ñak ba dañu mëna dañu oubli manam parce que ñom ñoy ñuy xamné à travers manam bu ñom ci ño ci sulu won ñom ñun duñ jot ci affaire donc ñom dañu obligé xam leen comme ni kay football kat bi ki nga xamné football daf ko intéressé mi nga xamné la non lay ciapé ligue 1000 joueurs mu limal lako parce que tout simplement simple la ci mom parce que depuis les années 50 ba ligue xam na par exemple finale yi coupe du monde ak coupe d'europe coupe d'afrique bo len bolé finale kan mo do dougal biti ak bo ci bolé lolu nga bolé ko équipe bi kan mo ci gënal remarquable nga bolé manam yoy bolé bi compter rek légui ñu mat 1000 joueurs bolé championnat et cetera té pourtant ay tournoi yo xamanteni muso ko dégg avant xamuñu ko won bokku ñu ci sa lac té pourtant japp nga leen tak nga leen xam nga leen parce que tout simplement domaine bi dafa la intéressé manam domaine xam xam ñu bu la intéressé lolu tapi fo nga mel non mel bu ne rek affaire bi no tour yi dañu compliqué dédé manam tour yi compliqué wuñu affaire yi manam complication gi yépp ci sam xel la né yow ya et cetera manam top lol masala itam non la dafa am masala yo xamne yow même bo munul japp lay yek ki yek argumentation be yoy yep au minimum nga japp masala bi ci bopum ça aussi c'est un minimum manam nga au moins japp jëmmi masala ak par exemple réponse finale bi au minimum cela ni ko dafa am tamit ay ay minimum de voilà mais ala kulli hal mom manam nit mom mom manam xam xam mom nit ki munu ko am te fekk duy di manam fu fekenteene yalla bindewuko manam fatlikou ak mokal bu takku bo xamantene dafa referi nga xamne tout temps lu mu xess ba japp jeexna lu mu xess ba deg wala mu xess ko xol pare na ci bu ko yalla bindewul non munul am xam xam la gudde te fekk duy di delu ci tout temps di bindat di takkat di jappat di xolat di deglu wat et cetera lolou mu dum ñak Voilà. Kon ki nga xamantene kon mom moy werr la hmm bu toge manam wala wax nañ ci fajar gëjë lolu wala ay kon ñu continue après benen werr bi dinañ ci ñëw ci kanam inshallah manam jital geek li ci aju masala yi ci aju hmm de nga mëna wa man faato ko kep ko xamne faat nako wir du wir fal yata darako nako dabatal ala mumur dar ci giru dundum manam comme niñ ko waxe won ci jota bi yes nit mom bu werrul mom bu giru dundu dakoy tek top comme julli bu julli wul wala mu am wala koor et cetera giru dundu dalay top dang koy fay wala azaka tamit nit ki bu mu jappale joxewul azaka mu nan tan yeep ane yeep joxewu won azaka rek jeexna dedet day fay affaire bi wala mu joxe ko lu baxul comme ni ñen ñi di def ñom da japp nañ ni par exemple tay da ngay gis ko xamantene day yor azaka o rew mu genné ko ko manam waram ci comme niko wala fi di waxe ko wala fi ñu ko ci ñi mako wara wax manam nga xamantene o rew mu genné ko par exemple dëkk bi nga xamne mom la nek mom mu jël tukki dem benen dëkk dem jox ko fa té bo baaxu té bo baaxu voilà fi nga nek ngako joxe wala lay la nga genné ko ni association ngako jox sharia waxu lolo waxu la nga genné affaire bi nan dama koy joxe association wala nga gis ko mais subhanallah wala nga gis ni no cet asaka bi dama ci yobbu ki makka ni kan mo lo yobbu ci nit makka asa ko bi kenn waxu la nga yobbu ci nit makka wala nga ne dama ko jox adiyo serigne diw azaka du adiyo non merci wala dama ci dimbali sa mbok azaka du pour sa mbok yi bu fekenteene daño pauvre ñoñu yello nañ azaka da nga len di jox azaka ak li ngi len di dimbali du ben amna difference yow dimbali wolé ñom ñoko mom azaka seen ak la du sayuf ba nga nan dama len di dimbali non mais il faut que mu leer parce que non mais dañ ko wara xam problème bi fofu la nek moy dafa am yo xam dañ ka wara xam voilà dañ ko wara xam bo amé say mbokk yo xamantene xeyna yeen ñaar bu ko leen dekk yi ngeen nek ngari way azaka bi dal ki parce que il faut me dimbali say mbokk mais azaka bi du pour dimbali say mbokk azaka bi akku ñi nga xamantene ñoom ñoo nekk ci dëkk bi nga nekk la té amuñu azaka bi akku ñooñu la du akku say mbokk yi feul dedet say mbokk bu leen bëggé dimbali non ñoo dañ leena wara dimbali en dehors de azaka amna wala amul lolu amuñu rapport ak azaka il faut mu leer ma c'est pas parce que da ngay xaar bay gënné azaka nga do nga dimbali say mbokk lolu non mais si parce que leen da nga gis sax ño xam da même azaka mourou ko pour ñoo dañu wara dimbali seen mbokk motax mourum koor gi finalement dañ koy jël def ko xaaliss jox ko seen mbokk parce que mais alors que affaire bi du lolu ngaral way la ba la si tu les donnes du riz là il faut pas le prendre mais kan mo la wax nga jox len ko Voilà. Après, on va gagner pour nous dimbali say mbok la. Mais quand on va voir C'est-à-dire que dama am lo xamantene non, il faut que gis nga té amna non si amna ño xamantene leg leg té par exemple day gis amna kuma ci dégon nan xawma azaka xawma ñaata million lay genn xawma 700 millions côté yoy mais da ko yobbu rew dekk sangam parce que dem jox ko serigne bi parce que mais serigne bi mom bu worté jël azaka lutax bako koy dox té lan motax ngay dem ba ci dekk bo pour joxalen ko té yow dakaru gi nga dekk am ñoy pauvre yo xamné ñoo nga wara jox azaka té azaka bobu li nga xamul moy dang ko wara fay parce que ak jambour la dang koy rembourser ak lo meuna déssé nak yow yaay xor mais dang koy délo wat fayat waaw bu féké da nga nek bir dekk waaw nga amé fa alal waaw ci ben at manam la waaw bala at nga défé li nga am yépp fofu nga ko amé waaw légui at bi di jéx nga tukki dem dekk benen dekk waaw légui azaka bi dekk bi nga tukki nga koy jëm wala nga dekk jamono jing ko wara génné ah d'accord jamono jing ko wara génné dekk bi nga dekk nga koy génné waaw dëng non la ba kéro ngay dé dang koy fay ak non la demé ak nit ki su fekkene dafa am ak bo xamantene daf ko manki parce que ci bir ak bi dafa def yo xamné day annuler adjam ba kéro muy dé ak bobu dako wara fay ak bobu dako wara fay tan bokku tek sax bi nga xamantene bokul ak ak bi nga xamantene moo bu ko wara ba kéro muy dé dako wara fay lool motax gis nga Voilà. Deng. Kon. Yoyep. Dafa wara. Dafa mata leral. Yoy dafa nit ñi dañ ko. Yoy dafa wara leral. Nañ ni midi. C'est que nak señ bi. Ben point aussi bu important bo xamné ni tam il faut que ñu fatalé ko. Moy nit ñi problème asaka. Dafa nek problème bo xamné nit ñi dañ ci am ay questionnement yu bari leur culture daf ci bari. Mais c'est parce que dañ ko mais lepp asaka bok na ci buntu yi gëna simple ci masala asaka surtout asaka xaliss bi ni ki bi or xaliss compliqué wul leunt mais amul questionnement yu bari ñu xam ni dañ ko ci poser ba tay bo xolé fi ñu nek ni France ñu jëmono ji ñi ñu bari maintenant mourum koor bi xaliss lañ koy génné waaw lool mom fa dem ba taxal mom 5 euros par 5 euros par waaw taxal ba paré sax xana doul évoluer depuis année Matusalem 5 euros lay do yalla nane yalla sax ba par li gëna graw du lool li gëna graw moy dañu wax na lañ ko gënne pour yobbu ko Palestine bo leen bëggee dimbali azak amul ko organ di gënne amna wéen bu gëna graw moy Tobaski day gaay dañuy jël Tobaski dañuy wax ne Tobaski voilà votre xawma at ki hein mouton voilà mouton de ki pour laïd et offrir à xawma une famille palestinienne mais mais c'est impressionnant yalla yalla sam non Palestine dañ leena wara jappal dañ leena wara dimbal mais pas que ni dañuy jël li nga xamantene yalla daf ñuko tek comme ay jaamu yalla ñu naan ñom lañ koy defal de et en plus le pire mom moy xar mi ñuy jënd yow xamoo ba xam yow sa xar ban la ñom voilà ñom dañuy jënd di xar rek nombre de xar par nombre de personnes ak yeex amul ne xar bi diwoko mom buñ koy rend kenn du ko rend ci touram mom dañuy rend rek ne amna ko joxe xaal mais ya mi ya fi mi ya subhana rabbi ya subhana rabbi bu la borom bi tek yow mi individu bi mu musulman bi yalla ñu yalla sam deug ko ayo ko ñu delu ci war ci kon dalay war sa giir dund deug lay kon lolou mom moy werda hein nek lo aji ci werda yaakar na wax nañ ko lay mu dess munaw min al adkar bok na ci werda ci sikka al lazimati yaji taqo ma nga xamna taqo ak li tariqa ni tariqa bi ni ñu tudde al wazifa moy al wazifa wazifa moy li nga xamantene nit ki daf koy def tous les jours mu nek comme ligueyam manam lool moy wazifa d'ailleurs wazifa moy li nit ki di ligue dañ lan lool wazifa tu moy ligueyam wazifa voilà ya ngi dégg manam moy li nga xamne daf lay incomber dal tout temps voilà lazim moy li taxo nit ki wazifa moy li nga xamne moy comme xétu manam fonction mission ki emploi ki voilà lool moy wazifa role mum voilà deng legui moy wazifa mom tamit wayete mom moy lan astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum lool la 30 marra moy fatwer ya deng deng moy astaghfiru mangi sakko djegalu allah bur yalla alazim be ajmam alladhi mi nga xamne la ilaha det bur bo xamne def nako jamu ci deug manam la ilaha amul benn bur bu xamantene ak jamu ko dana warna jamu ko warna wala bok la ilaha amul benn bur bo xamne ye jamu ko dana jari ñak ko jamu dana lorat wala la ilaha amul kenn ko xamne nek na ci deug ci ciosan illa allah kulul bur al hayy moy ki nga xamanteni mom moy aji dundu gi nga xamne dundam amul fu mu tambale te amul fu mu yam te dundu yi ñepp ci dundam lañ ko jele te mom dundam jele wu ko ci dundu yi dara al qayyum moy ki nga xamanteni mom mo sax dakk ci taxaw bop ba pare taxaw mbole mindi fi lool moy baat yi nga xamne mo ngi wax legui dinañ ñew ci firi ki bi ak yaatal bi ci inshallah mom ci bopam wutal nako buntu bo xamne pour firi baatu wazif baatu ki yi le yi nga xamne ñom ñoo addu ci wërtu bi d'accord ba xam ko mu baye sara yo yoy yep dañuy baye ba fofu inshallah koku kon fan wër yoon la wa dañuy legi nak fi benn masala moy masala bu siiw bi nga xamne mom moy addu ci walu yi moy ne lu waral baatu wazifa bi amul wa atubu ilayhi te riwaya yi ñew ci hadith yi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di tag xetu istighfar bi amna bi ni amna tamit bi and ak wa atubu ilayhi manam bu yi nga xamne moy ci tekte ma ngi tup di delu dem ci borom subhanahu wa ta'ala lol nak lañuy wax ne c'est que ba tup manam delu ci yalla da fay and ay charte xam nga dañuy xamne tup da fa may charte moy yene ni do ci delu wat et cetera moy yoy non nak bayyi affaire bi ci saasi hein ba pare yene non seulement do delou wat ci bakkar mais ci bakkar bu mën don duma ci delou wat ba pare mu reccu li nga xamantene mom moy lima def li wessu yeb mu reccu ko bu baax ak yoy non nga xamantene manam ba pare yalla rek tax aussi parce que lolu charte bu reey la ci moy yalla rek tax parce que mën na tu bayyi dara reccu lepp reccu ben affaire manam mën na jël manam ben bakkar mën na ko reccu ne doot mako defati non jeexna ci fini et cetera yoy yep mu def ko te fek yalla taxul parce que tout simplement dafa am luma ci fek xam nga tay nit ki nga xamantene dafa bayyi par exemple dafa dem ben magasin satchu fa ñu japp ko indil ko ay problème ay amande yu dul jeex boole ko tej ko nangami fan ak yoy non mu reccu li doot mako defati bayyi nako nangam mu reccu vraiment lu taxor mu ko don def et cetera ak yeneen ak yeneen ak yeneen yep manam condition tout yep dajé mais ba mu dess ne nek fekk yoy yep mu bayyi affaire bi do ko defali yalla taxu tout simplement tout la il faut que yalla tax voilà donc kon mom donc tout dafa am engagement la bo fekké né ma ngi tout dem ci yalla lolou dafa engagement bu reuy la té engagement bobu nak manam mom lañuy bañ ko jël té sincère ci donc amana lolou mom motax rawati na né ñom ñaar daan ko ñoo bokku mérite manam ñaari formule moy astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ak astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul atubu ilayhi ala kulli halin ke ne lolou la wala du lolou daan ko amul solo liñ mëna wax rek mom moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni la ko joxe won cheikh radiyallahu cheikh ni le ko transmettre jeexna legui li nga xamantene parce que tawqifi la legui nak le fait que ñuy sét nan est ce que lolu mom motax ni wa atubu ilayhi gi lolu tax ñu indi ko fu won indi ko amna nak ay borom ko effectivement tare xam ñu ko traité man ko mom sayyid al-arabiy bi sa'ih radiyallahu ak ñeen mais li nga xamne mom moy li gëna mag li ñu mëna wax mom moy ni tawqifi la rek buñ waxé ni tawqifi la ni ni lako yalla nabi sallallahu alayhi wasallam joxé cheikh ni lako transmettre radiyallahu anhu dañu daan bokku la kanta li secret bi mo nek ci ginnaw ak yoy manam djeglu gi tamit ne ek parce que xam nga djeglu mom moy ma nga djeglu rek alors que tout bi dafa and ak engagement bo xamantene talibé yi manam yalla nabi sallallahu alayhi wasallam bu wax talibé yi ñuy jël engagement yoy non mais lolu da ngay gis ne amna ben limite bu ndaw quand même parce que tout dafa war en fait tout du choix buñ la may ne sa yu la nexé touba bu la nexé bu tout du lolu tout ci sa ginnaw ba nga déwé Bakar ca sage nga tout dafa war té tout yixiko Bakar la bu tolni manam Bakar la mom tamit bu bokul ak Bakar ñaka manam Bakar bi ci demu bokk man tay le fait que ma def ben Bakar lolu ben affaire mais le fait que touba moko le fait que toubou moko yex ko toub te mo leer mani Bakar bi def na lolou benen Bakar la encore hein lolou benen Bakar ba pare ki nga xamantene mom moy delu hein ki djeglu te da ngay gis ni djeglu ak toub dañuy danaka dañoy yor même mana bi comme li yenen tibi sallalahu alayhi wasallam wax na ma asarra man istaghfar walaw aada fil yawm 70 mar ki nga xamantene mom moy djeglu kokku hein israr defu luñu tuddé israr manam manam nourul ci Bakar bi kokku defu lool parce que lan mu né même bu dé 70 fois la ci même jour c'est que même jour bi dé def même Bakar bi dé lu soit djeglu di même jour mu défat Bakar bi dé soit djeglu et cetera ba 70 fois té kon ci ngay gisé ni en fait koku istaghfarafo da ngay gis ni mok sans tout le manam moy rutuna Bakar bi ñeena yalla balma do li dal vraiment sama señal duma ko def nangam tout na nangam delu sina et cetera mais bakkanam not ko wala cheikhane not ko mu defat Bakar et cetera après mu ñoo wa yalla balma ki nangam de après c'est rutu and ak limu wara andal yeb c'est Bakar nam nota ko mu defat Bakar ba 70 fois yeen gim sallallahu alayhi wasallam la kokku batay nourul ci Bakar kenn duko bolé ci ñinga xam dañu xous ci Bakar té lay lay nit ki dina def Bakar ben yoon kessé ñu considérer ko ci ñi ci nour ndax tuubu ko amen donc lool ci nga xamé ni batu manam le fait que wa atubu ilay bañ fi ñew lolu tekkiwul obligatoirement que ni tuub gi waru andu ci batte voilà lool nak and ak tak manam xarma giñ meuna jox ñiko wax yépp manam ni wax nit ñi di manam jëma wax ci affaire bu ci lan motax wa auto bi ilay bi andu ci yoy yépp xarma biñ leen meuna jox yépp ala kulli hal baat bi ñu liñ gis moy ne astaghfirullah bi dafa and ak tuub gi manam ñoy wax bokku manam daf ci duggalé ne manam bi daf ci duggalé parce que djegluy kessé bu andout ak tuub gu sincère lolu taxul ñuy wax waaw ma ngi djeglu rek mi ngi melni tay mu ñew nga tok mu mbaj na la ma ngi djeglu bo xamantene yow leer la ne man tuub manam man affaire bi aw manam awma ben intention ki rutu du ne li ki ne manam ak sincère mo ci sama wax bi wala ñu forcer le pas donc de djeglu ko yow o fiyal bu ko won djeglu voilà bu ko mo won djeglu donc en fait lolu amul ki mu ñewat en fait te pourtant mën na la def même acte bi plusieurs fois yow nga lé mu léna né amna sincérité ci djeglu gi nga bal ma mais le fait que ma def ko ben yon kessé té awma sincérité ci djeglu gi do mako bal parfois mën na la def lu garaw nga bal ma parce que tout simplement dama djeglu alors que légui mën na def ben affaire bu ndaw ni lo xamné lu doy lu touti la mais le fait que man ma jappé né garaw moy tax do mako djeglu Voilà, donc... Allah pour les halles. Maintenant, astaghfirullah, Kibi, madame, même si vous faites un bateau à tout le monde, vous avez dit sens bi mi ngi ci bir moy ne damay djeggalu yalla sama bakari yalla djeggal mu wala mo wax ko ak d'une manière sincère moy zikra subhanallah adam alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum même bu waxu lo autour il est et puis tout ay martaba la tamit ay degré la donc tout bi ay niveau la wala solo nit ku nek fi nga tollu sa niveau ci toup lan lay tekke et cetera alors que djegulou mom voilà moy ma ngi djegulou dal yalla ma yalla djegal lolou tamit istighfar tamit da ngay gis parce que yannabi sallalahu alayhi wasallam xam nga bo xolé lolou dinañ en tout cas bëgg nañ dinañ ci gëna ñew ci mana ci fi nga xamne buntu bob pour lolou pour mana la voilà mais day xamne yannabi sallalahu alayhi wasallam mom yalla wax ko man lim ko wax rek moy comme niko wastaghfir li zambi ko wala mu'minina wala ko sakul djegal wala ha fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana wastaghfara min yal daud istaghfara la def tam istaghfar motax istaghfar da ngay gis ne day yor sansu tup bob yent yal daud istaghfara fastaghfara rabbahu ha wala ak astaghfar li yaghfir lak Allah ma taqaddam min dhanbi wa ma ta'akhkhar wa yutim man yawta alayka day gis manam kon wala manam djegelu gi dal baatu tuub gi mi ngi ci bir dal lool lañ bëggoon wax ci lool lañ ci djublu won moy le fait que baatu tuub bi dikul tekki wul ne mana bi neeku ci wala parce que dañ doon wax ci mais question bi parfois dañu soulever ben question ci tarikha bi lool motax amul baatu wa atubu ilayhi bi ci ki bi alors que ñaari nafs yeb ci hadith yi ñew nañ ci astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwa ak astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwa wa atubu ilayhi voilà legui nak ñun liñ wax ne moy ne de toute façon mbir mi tawqif yi la yeen ci sallallahu alayhi wasallam ni la ko tof tof giwe jox ko cheikh rabiyallahu anhu mi lañ ko jangal jeex kanta di wax ne par exemple que ni batu tup c'est parce que tup mo manam dafa and ak engagement bo xamanteni nangam te bëgguñu jëlloon talibé yi engagement bo bon ñun dañu gis ne manam wax joju non dessena deugal au moment où batu istighfar day lambalé batu tawba ci bir voilà voilà and ak manam xorma giñu mëna giñu jox ñi ko wax ak gëdd giñu leen jox yëp voilà kon lool 30 fois wa salatu fatihi lima ughliqa wa salatu fatihi lima ughliqa moy bi ñepp xam 50 marra muy juroom fuk yo wala yakfi te du doy fil wazifati ki wazifa ghayraha benen budul salatu fatihi ci wird lenen lu salatu fatihi dana ba wa ci wazifa salatu fatihi rek mo ci bax ce qui fait ben masala moy ñew ko xamantene manul salatu fatihi wala ñaar ko xamne manul salatu fatihi mais man na lire bo wa day japp diko lire diko tay ko xamantene manul salatu fatihi man ta lire koku mom modul wazifa wa wazifa lu wazifa day wer rek mais lu wazifa ba kéro mo man salatu fatihi mais nak kenn dou ne ko del wer rek lo wazifa ba fa di ko setat dakoy jang ana tanna mais ba pare jang mu gaaw sax dakoy def priorité mu ah oui comme ki xamantene da fay julli kuy julli te manul fatiha comme kokou la mel xam nga normalement julli farata waro yor dara woro yor dara julli farat mais bu fekenteene fatiha mom manoko da fo nga yor ko diko lire parce que bo yor da nga yok dara ci julli gi da nga ci yok ay mouvement voilà bam dess yi nga xamantene xeyre def nako jigle comme lu demene xale bi nga xamantene comme ki xale bi ñi fop ak yu mel non voilà voilà mais sinon par exemple yor tire ni di lire sar yi ngay jang lol ci julli def ko def ci kaw lol amna benen masala kon buy duggu fofu bo xamne bu mata bayyi xel la te ñu bari duñ ko bayyi xel moy micro yi yor micro yi Allahu akbar wacce yekiti sami mais non ha di yekiti di tek di yekiti di tek di ci en fait ya nga def ay mouvement yo xamne bokul ci julli par contre lolou julli farata la am ma julli nafila meuneuf na yor téré ci julli nafila di jang té lolou imam bi lañ wax né man nako def comme ni sayyidat aisha radhiyallahu anha don def ni ko masrokh don jité ci julli gogou julli nafila wéro ko ré di yor téré mais kanta ki ñi jité mom du yor téré parce que amul manam c'est-à-dire que lolu amul luko luko lu amul wax texte bu ko daganal lolu c'est que il faut que ñuy manam ñuy bañ di top rek suñu ki parce que bo xolé le fait que nga yor tire après ngay def page bu ñu rom nga wara wëlbeuti et cetera ak yu mel non ya nga def ay mouvement yu bokul ci julli té nekul lo ci cadre figure bo xam tane mën nañ lako permettre bé parti fé rek lañ lako mëna permettre moy parce que ki jang parce que lool mën nañ ko comprendre ci ki jité mais ki dul jité koku day tok du diglu ki nga xamantene xalu yentib sallallahu alayhi wasallam lim wax man masal khafa faqat la gha wa man la gha fala jumaata la xam nga lool ku ku la xeer yi ni yow yaangi distraire te kep ko distraire amu julli amu aju par exemple manam da ngay gis ne kon manam c'est comme ci li nga xamantene sax mom du sax julli neko sax ci bir julli moy imam bi khutba lay wax ngay nek di lal xeer yi fek xam nga juma yantou sallam amu non ay basana gaay ci souf lañ dan tok awul ay indi len basang yek indi len sidiana yi dedet ah voilà mais lool mo xewone ñom non non lañ melo xam nga aussi il faut lool ça veut dire que ñom li lañ xam moy li ma doon wax kéro rek nan lool la dama wax ni lañ ñu gay ñom ci ubiñu la mi añe tout temps donc ñom bu lu nekk bi am problème bobu parce que ñom lool lañuy lef donc c'est-à-dire que ni mi lañ mel manam ñom xamuñu ñom seen aduna ni lay mel donc ñom doobu du metti ci ñom ni lañuy dundé bo bëggé varié alimentation ñom lolu nonu voilà comme voilà c'est-à-dire que ñi nga xamantene ñom fi lañuy top duñu sujjo duñu lal ay tapi mais ñom duñu lal tapi non lañ mel c'est-à-dire que fiñu dëkk ñom non lañuy def yow boko len milli boko len ay condition de vie boko len ko voilà donc bo ñe yow adopté wu ci ñom wa non c'est à dire que yow en tant que manam bul jël sa condition de vie nga natale ko ci seen yoss ñom nanda metti parce que ñom ñi ngi dund normalement yow ya gis lool mais ñom gisunu dara xewul ça veut dire yow lay def ka mais non ñom loolu du ko du problème d'accord mi ngi melni ñu daan tukki avant nga xamanteni dañ daan tukki di dem fas lañ daan war wala yoy wala ñu dox dem ki mais loolu du problème non wala bok ñu jugé benn koñ ba benen koñ ni nga xamanteni dañuy dox tous les jours dem delu ci dem ki mais comme nga daan def nga xam da ngay ñëw kër ki duggé koñ ba koñ dem wala nga wër daan ko dëkk bi yépp ci journée bi yépp ngay def fu nga dem fa ti tank do nga daan yor nga xamne koñ kémer yépp dang ko wul fu ne nga dem bo jogé fi dem feulé bo paré dem feulé bo paré non mais c'est vrai amul voiture amul charrette amul dara amul do jël auto do def dara da ngay dox rek dem té fi mu tollu distance yu tollu non soko bëggo def lay fo nga né non il faut ma xaar bus bi il faut ma jël métro mais lolu c'est parce que lo mais c'est que yow ya ko def ka mais ñom defuñu ko ka parce que ñom non lañuy dundé voilà wala fi ki tamit non la manam ñom yeralti bi sallallahu alayhi wasallam li doon wax ne ñom buñ toge ci ki bi c'est que ñom en fait buñ dan tok ni leg nak comme xéer dafa dan am ay xéer fofu dafa dan bari xéer mo leg nak muy wax ne kuy laal xéer ni manam moy di ci yaangi di se réro té kuy di se réro amu aljuma manam amu aljuma bu mat c'est comme lolu ci la koy wax ci ñooñu leg la ngay xalat ci nga xamanteni mom da nek ci bir julli gi di yëngal xéer Hein? Voilà, koku nak mo ki nga xam tane da nek ci bir julli gi di yëngal yeneen affaire di topato yeneen mbir ñoy ha deug ha legi kon lool yeb yoy ñu mata baye xel kon fatiha su fekete na manumako mën na ko lire ak yu mel non wala bok am ku koy sax ku koy wax ma diko deglu wala bok obligé damay julli ci ginnaw nit d'ailleurs lool moy priorité sax avant manam buma amul kuma jité ci la koy jogo teyé liko lire mais suma amé kuma jité damay julli ah ba dan ci mboro su fekente na manuma lolu fatiha bi manuma lolu ma manam bu boba fatiha bi ci bopam daf may wacc fatiha bi daf may wacc mais julli bi mom duma meuna wacc parce que julli du problème li wouté julli ak wor bi fa moy lool moy julli bi duma meuna wacc mais fiñu bok mom moy né su fekkante fatiha bi oblige manam fatiha bi sumu ko mënul ma mën ko lire salat fatiha sumu ko mënul dana ko mëna lire fofu bok nañ ko mais fiñu bokul mom moy né julli gi duma wacc waye ma mën na ma wacc ce qui voilà donc ce qui fait que ni fatiha nekke ponku ci julli non la salat fatiha nekke ponku ci julli lol ñoko bok fok nga defo def waaw kon ce qui veut dire que ni mou lay waré ci nga jang fatiha pour julli ce qui veut dire que nit ki mënul fatiha manul salat fatiha bu jëlé tariqa bi day obligé d'abord jang fatiha parce que julli motax waaw bu tay paré jang salat fatiha mais nak bu ko téggé ko won fuk da koy jang té lolu moy priorité les priorités du moment manam délai immédiat la quoi voilà ci sa ci ligui lolu rek ngay né yow ci lolu rek ngay né lolu rek ngay jang do jang lenen amo droit di jang lenen lolu rek ngay jang voilà voilà ay setan film ak yoyep day tégué non non ay dama wara dem nani ji ataya ak yoyep amul yi dang koy jang voilà non parce qu'il faut que ñu xam lolu dang ko wara jang lan lay tek dang ko wara jang teki wul way si j'ai le temps je vais m'en occuper teki wul lolu dedet legi nga koy jang donc kon salat fatihi kon 50 fois وهي تموي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم دين لي موي صلاة الفاتح دين أما لأجل تبيرمي دين كوي أك تميت بفوفا كم نيوا تبي كله ما هم لول لني كين ما هم بور بني بور do bañu jëlul ki mo appu tamit pour bañu di nek di def ay répétition ak yoy mais dal fi luñu mëna insister moy ci cadre yi deug Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih du Muhammadin lil-Fatih Muhammadin del Muhammadin lil-Fatih voilà lima ukhliq mais boy deg gaay di tar sar Fatih wallahi da ngay yim mais da ngay gis ño xamantene mi manam batou wir di ak zikari c'est impressionnant mais ñi ngay dégg ñukoy tar normalement bari wuñu man lool xawma lan la xawma sheytaane nan la def rek bo wa té en plus ay terme la tous les jours ñu dégg mais tout le temps dañuy nekk ci ay mais tous les jours ñu dégg ko mais jamais ñu wax ko normalement parfois da nga impression parce que dañu amul volonté wala ñoko tay wala lan la te pourtant bat la yo xam tane yu simple la il suffit que ñu nangou ne ah affaire bi ki xaranu ma vérifier wat ko bu baax te diko jangé niñ ko wara jangé mu jeex da ñu yalla sam lo xamne pendant des années presque 10 ans bis bu ne nga wax ko mais mëno ko wax jamais wax du djub te bis bu ne nga deg nit ñi ta jang ko jang bu djub mais yow jamais jamais nga répéter ko ñu djub mais nga jël sa temps bu ndaw deg lu ko ki ko wala nga ki ko nga jang ko lire ko normalement ya d'accord rawat na ne chat la ci li ngay def yalla ñu yalla sam deng allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa dukhliqa dukhliqa dukhliqa du yoy yep lima ughliqa voilà wal khatim lima sabaq du wal khatim ma sabaq li batu li bi ci la bok wal khatim lima sabaq daf ci bok lambi lima sabaq dual khatima lima sabaqata mi bi nek ci khatimi ci la bok wal khatimi lima sabaq c'est que parfois sax da nga même impression que li perte temps la mais en réalité du perte temps parce que bari meñ ngui wax ñu ñoo xamanteni li ni ni ngui koy répéter du non dual khatimi لما سبق ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق ناصر الحق ناصر الحق ولا ناصر الحق بالحق دو ناصر الحق ناصر الحق ولا ناصر الحق بالحق من مقدم صالح حق بالحق حق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم دو الهادي الى صراطك المستقيم ديد الى والهادي الى دو هادي الى صراط يلا نيالا صاب والهادي الى صراطك المستقيم في تام لو نغي ديغ mais pour passe yo sax pour nga top do gaay li ñi wax sax yo la nga problème bo yalla ñalla sa fadil wal hadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi du wala alihi wala wa ala alihi haqqa qadrihi حق قدره ميم تي وزفه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى علي حق قدره حق قدره ومقداره دو مقدار العظيم ومقداره مقداره العظيم عظيم دنج كون لول كل يوم موي صلاه الفاتح اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم ما شاء الله ثم طب لا اله الا الله on jarri ñu ci insister ala li mo gay bi ci diw la ilaha illallah gay bi ñu mo la mais wa la ilaha illallah mais lool bu wolof la la ilaha illallah lool wolof mais la ilaha illallah c'est lu important la ilaha illallah la ilaha illallah la dire illallah لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله la ilaha ha illa allah hmm allah voilà allah allah allah allah allah ha gi fogn wax ko hmm yi nak dang koy xam quoi ben yon mu jeex aussi c'est à dire que lool la manam il faut pas aussi hein voilà dang koy xam ben yon quoi summa top jawharatul kamal isnata ashat moy fuk at ñaar moy 12 kon jawharatul kamal ñaata 12 kon affaire bi lool la استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم 30 فوا صلاه الفاتحه 50 فوا لا اله الا الله 100 فوا موي 100 مره ثم جوات كمال 12 مره مانام موي 12 ايوا وهي تموي اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني يتمت نين يكو أخيرا ونور الأكوان ونور الأكوان أكوان ونور الأكوان المتكونة الآدمي ki wi li lañ doon wax kërëm mutakawinatu ak mutakawinatu gog non mais dafa mel mutakawinatu la wa mutakawinatu wala mukawinatu la ñu def hein mais fi da ñu mukawinatu la def ah wa al mutakawinatu wa nga deug dafa gis nga erreur de frappe la erreur hein voilà erreur ki la impression bi édition bi voilà wala moy ak moy masala bobu wala mais luma yew la dal ki bobu surtout ki manam ci ngay comprendre mais en fait lele même ñen akabiri ni dinaay di am manam duné dal li imam malik dal wax dal moy deug rahmatullah alayh wa kullu qawmin la kullu kalamin fi maqbulun wa mardud illa kalam sahib hadha al-qabr wala deng ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأسطع بمزون الأرباح دف من يالا بند مزون الأرياح يا سبحان ونور الأكوان البرق الأسطع بمزون الأرباح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المتلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه تعرفنا بها إياه بإياه بها ياه ci bir fi tamit ay gharaib yu bare ba ay wax yu tumranke yu bare nga fi deg ci repetition ci ki wa dal ni la deng mune kon lool mom moy wazifa leer wa tak fi neena dana doy qira'ata jang hadhihi alwazifati bi wazifa fi waqtin wahidin ci ben waqtu kesse imma dal fi sabah ci suba wa imma wala bok fil masa'i ci ngon wa in quri'at buñ ko jange fil waqtayn ci ñaari waqtu fi hasanun lolu rafet la baxna légi dañuy yam fop bu jotay bi inshallah yegg la woni ñu dugg tam ci masala yi aju ci wax ji tam inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.